Yo, j'ai eu tout, une femme, des enfants, puis je regrette. Jusqu'au bout, j'ai dépensé l'argent de ma retraite dans le vice, au casino, puis dans le sniff. Combien de fois j'ai eu l'air d'un petit gros qui s'empiffe? J'ai tombé de là-haut, puis je m'ai cogné le tibia. J'ai trompé ma go, puis j'ai poigné le sida. J'agis sans plan, puis je pète souvent ma note. Puis si j'ai des enfants, c'est à cause du trou dans la capote. Une dernière parole pour ma mère avant de tirer une balle. Et à mon père, vous enverrez mes bouts de cervelle par la malle. J'ai mal et la plaie cicatrice. J'ai purgé une peine à 75, j'ai touché des petits gars. Mon seul regret, c'est de m'avoir fait poigner. Ma face dans le journal, à tous les jours je me faisais cogner. Maintenant j'suis autour d'une table à Bangkok sur ma tempête lock. Une fille de 12 ans à côté de moi, j'appuie sa tête dans une dernière shot. Ma vie est die, même si je viens juste d'avoir 30. J'avais juste à pas jouer à Trichard de ma trempe. J'ai des crosses et fait qu'eux autres se vengent vain. Dans le fond de la classe, première année, y'avait moi et puis Luc Langevin. Faut que je tourne, faut que je gagne. J'ai le goût de jouer les bornes, mais sans un esti de gang. L'argent de mon matelas, je veux qu'on le donne à mon neveu. Pis si ma face tombe à blanc, ben c'est ça que le monde veut. Ma vie sur du monde 4 urologie, on n'a pas d'estime. J'ai sacrifié ma famille pour sauver la Palestine. Sans tous des martyrs, je me bats pour garder leur place. J'ai vendu mon petit-fils pour en faire un kamikaze. Je suis recherché à Gaza parce que je suis peur de Fatah. Rêvais de voir Jérusalem quand serait fini l'intifada. Je suis pris dans une chasse à l'homme parce que je t'envahis de dettes. Je rêve de m'exploser ou de mettre une balle dans la tête. À force d'être dans la merde, on y prend goût à Saint-Stade. La vie après les études m'a fait sauter un câble. J'ai postulé, mais personne m'engage. Faut que le cash rentre, les factures font la file d'attente. J'fais des trucs de fou malade, comme sur Canal D. Faut que le taf j'fais, même pas le minimum par année. C'est drôle à dire, mais dites à ma femme que je l'aime pour qu'elle repose au paradis. Moi j'irai dans la GN. La famille est sous le stress. Quand je débarque la Havane, je déboule avec tout gaille pour régler le case du tout gaille. Je suis capot pour un boss, mais je veux les affaires et le trône. Je veux le roulement, ton lit soprano ou Al Capone. Parler directement avec les gars des NY. Les petits contrats à gauche, à droite, j'en ai mon bail. J'ai le charisme et le guts, mais j'suis un crise de crosser. Chaque chien veut un bout de gosse, on est tous des hustlers. Bon, je crois que c'est à mon tour, j'ai étudié à Harvard. Mon père est sénateur et ma maman est un peu bavarde. Nuit cagoulée, j'ai subi l'initiation. J'ai juré sur ma vie de servir l'organisation. 36 ans plus tard, ils m'ont fait et les chefs d'état. J'ai toujours fait passer des lois afin d'avancer l'agenda. Politiciens jetables, ils ont voulu que je me retire. J'ai appuyé sur la détente sur fond de scandale érotique. Un jour tu brailles et je t'écoute, j'suis le psychotherapist. La nuit j'te stalk en cagoule, call me psycho the rapist. J'veux jouer avec ta tête avant de bouffer ton brain. J't'aime sur tu vas tight dice, don't feel no pain, baby. On va faire un jeu, tu connais la roulette russe. Bitch, regarde-moi dans les yeux, j'bouffe mon poulet cruel. T'es belle à marier, sauf j'mets une balle dans le barillet. Faire dévorer vive ou dead, est-ce que t'es prête à parier? Y'a deux mois de ça, j'étais au top. Bien plus que Mace ou même Brandy. Quand y'a le crash de la bourse d'or, j'suis en train de sip sur un Brandy. J'me rappelle la peine de Kenneth, y'a dépassé le seuil de la panique. Les actions se sont affalées, la thune est gone comme à jamais. Et les banques veulent qu'on les rembourse comme dans faillite. On est bankrupt, tout est perdu, la thune, les compagnies, les paradis fiscaux. Et là, ils parlent de me donner life pour évasion fiscale ou fraude. J'm'étais dit si j'te trouvais coupable, j'allais utiliser mon compte, so. Moi j'étais à bout de tout le monde tout autour. Les envoyer se faire foutre, j'en veux pas une merci d'un cours. J'suis dans la cave avec ma femme et mes enfants. Je les ai pris en auberge, pis ça va finir en sein. C'est fucked up. Je sais plus trop ce qui va se passer. Je veux pas finir la cop, mais dans ma tête c'est torse. Moi j'ai la trouille, en avant flic et patrouille. Tu sais que ma course c'est partout, mes balles vont devenir des douilles. Ouvrez cette porte.